Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery a mis en orbite le télescope spatial Hubble. 25 ans plus tard, nous nous sommes habitués à sa présence. Nous avons tous vu ces images incroyables, en faisant l'un des instruments scientifiques les plus connus du grand public, tout domaine confondu. Mais avec quelques 12 700 papiers scientifiques qu'il a engendrés, il est aussi l'un des plus productifs. Télescope polyvalent aux performances extraordinaires, Hubble a permis d'énormes avancements dans la plupart des domaines de l'astronomie, des objets proches de notre système solaire aux galaxies les plus éloignées connues à ce jour. Ce soir, Johan, notre astrophysicien préféré, nous emmène dans les étoiles et va nous raconter toute l'histoire par le menu. Nous sommes le mardi 28 avril 2015, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 216, dont les propriétés sont un cube, je crois. Bonsoir et bienvenue. Rapide tour de table, nous avons en direct des émeutes de Baltimore, Johan. Bonsoir Johan. Bonjour. Tu as pu venir, tu n'as pas eu de problème d'ailleurs? Mon labo vient d'être évacué, donc je suis chez moi pour faire cette émission parce qu'ils ont fermé le labo. Magnifique, ça vaut les excuses d'Irène. En direct de Barcelone, nous avons Nico Tup. Salut Nico. Salut. Qu'est-ce que tu fabriques à Barcelone? Tu as déménagé? Vacances. Waouh. Ça arrive parfois. Yes. À Nice, nous avons Julie. Bonsoir Julie. Salut. Et comme Nico a une connexion Wi-Fi pourrie, c'est moi, Alan, qui ai le plaisir de jouer les dictateurs bienveillants en direct de Lausanne, en Suisse. Alors au sommaire de cette émission, le sommaire est vite fait. On aura le dossier de Johan, les éventuelles questions d'auditeurs, le pitch de l'émission de la semaine prochaine, la côte, et c'est tout. Johan, à toi la parole. Je vais commencer. Donc, la semaine dernière, comme Alan vient de le dire, c'était les 25 ans de Hubble. Donc, il a été envoyé à 25 ans. Donc, c'est un satellite qui a permis de très nombreuses découvertes et qui a eu une histoire assez mouvementée. Et donc, je vais essayer de parler de tout ça donc, dans ce dossier ce soir. Avant d'être un télescope, en fait, Hubble, c'est d'abord un astronome américain, donc Edwin Hubble. Sa première découverte majeure, c'est la découverte des galaxies, en fait. C'est-à-dire qu'avant cela, on avait déjà remarqué qu'il y avait des objets qui étaient trop gros pour être des étoiles, des choses qui avaient une grosse taille, et du coup, on en avait déduit qu'on appelait ça des nébuleuses. Et en fait, il déduit que ces objets-là sont en dehors de notre galaxie. Donc c'est quelque chose qui remet assez violemment en jeu notre vision de l'univers, car il dit que notre galaxie n'est finalement qu'une des galaxies parmi... un nombre important. Donc il a identifié plusieurs galaxies et il commence leur qualification en termes de galaxies elliptiques, spirales, spirales barrées, lenticulaires, et donc qui s'appelle toujours d'ailleurs la classification de Hubble, qui est la classification des galaxies. Et c'est en étudiant ces galaxies qu'il va mettre en évidence une loi qui porte son nom. Cette loi avait en fait été préalablement mise en évidence plusieurs années auparavant par l'astronome Georges Lemaître. Et Jean-Pierre Luminet nous avait fait d'ailleurs remarquer il y a un mois que ce prêtre belge et en fait n'était pas vraiment reconnu à sa juste valeur pour ses immenses apports à la cosmologie. Et en particulier, donc, il avait intuité la loi de Hubble avant Hubble, mais il l'avait publié dans un papier qui était dans un journal qui avait beaucoup moins de notoriété. Il y a même une histoire d'ailleurs que cette loi a été tronqué dans la traduction du papier dans un journal en anglais, ce qui est un peu étrange. Il y a une sorte de théorie du complot autour de pourquoi le maître n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Bref, en étudiant ces objets qui sont les galaxies, Hubble, qui indépendamment, remarque que plus elles sont éloignées, plus elles ont un décalage vers le rouge important. Donc ce décalage vers le rouge, c'est bien connu dans l'univers proche, dans l'univers autour de nous. C'est ce qu'on appelle, donc nous, l'effet Doppler. Donc ici, un objet qui émet une onde sonore ou lumineuse et qui se rapproche ou qui s'éloigne de nous va faire grandir ou faire diminuer la fréquence de l'onde dans notre direction. Donc en analysant le décalage de cette onde, on peut en déduire la vitesse de l'objet dans notre direction. C'est l'effet de l'ambulance, que quand elle se rapproche ou qu'elle s'éloigne de vous, on a l'impression que le son change, car l'onde, c'est l'effet Doppler. Donc ainsi, un décalage vers le rouge en physique classique, c'est-à-dire que les longueurs d'onde de la lumière qui nous en parviennent ont tendance à diminuer, et ça signifie donc que les galaxies s'éloignent de nous. Les longueurs d'onde ont tendance à grandir, ça signifie que les galaxies s'éloignent de nous. Donc ce que la loi de Hubble montre, c'est que les galaxies, sont plus elles sont éloignées de nous, plus elles semblent s'éloigner vite avec une relation linéaire. C'est-à-dire que la vitesse de l'objet est égale à la distance de cet objet que multiplie une constante. Et cette constante, on l'appelle la constante de Hubble. Qui veut donc dire que l'univers est en expansion. Attention, donc, si on reste dans le cadre de la relativité restreinte, on peut trouver une distance pour laquelle la vitesse sera donc plus grande que la vitesse de la lumière. En fait, ce décalage vers le rouge, par effet Doppler, ne fonctionne pas vraiment si on sort de l'univers proche. Pour un univers plus lointain, il faut se placer dans le cadre de la relativité générale, qui explique aussi ce décalage vers le rouge. Donc, en fait, dans le cadre de la cosmologie, cette vitesse d'éloignement, c'est pas une vitesse physique dans un espace fixe, mais plus un étirement de l'espace-temps dans lequel des galaxies restent globalement fixes les unes autour des autres. Cette loi est aujourd'hui parfaitement admise, et en fait, c'est donc une mesure de l'expansion de l'univers. Donc, en fait, c'est maintenant comme ça qu'on mesure les distances et les âges des galaxies. On les mesure en décalage vers le rouge. Donc, cette mesure observationnelle donne l'avantage de ne pas dépendre des valeurs des paramètres du modèle. Ainsi, on va dire qu'une galaxie est à un décalage vers le rouge de 1, on va noter z, donc z égale 1, c'est-à-dire que son décalage vers le rouge donne une vitesse apparente de une fois la vitesse de la lumière. Si on a une valeur de la constante de Hubble, et bah du coup on peut en déduire une distance grâce à la loi de Hubble. Et puis si on fixe d'autres paramètres du modèle cosmologique, la densité de matière dans l'univers, par exemple, on peut donner le temps qu'a mis la lumière pour nous en parvenir. Et puis, du coup, si on connaît l'âge de l'univers, on peut, par exemple, mettre des contraintes sur l'âge de l'objet qu'on est en train de regarder. Je mettrai un chiffre dans le dossier aussi où on peut jouer avec ces paramètres-là. Bon, il faut connaître un peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut mettre qui soit pas trop idiot. Donc, c'est pas un jeu très rigolo, je pense, si on n'est pas cosmologiste. Mais donc voilà, donc ça peut dire qu'en fait c'est intéressant parce que c'est une mesure, donc ce z, qui nous permet de donner une valeur observable, non dépendante des paramètres, parfois assez mal contraints du modèle. Et donc donner ce z permet de donner une idée de la distance et de l'âge des galaxies qu'on observe à partir d'un paramètre qui est non discutable, qui ne dépend pas du modèle. Et donc par exemple, on connaît plusieurs galaxies se trouvant à z et z supérieur à 6, donc pour vous donner, donc c'est-à-dire qu'ils ont une vitesse apparente par rapport à nous supérieure à 6 fois la vitesse de la lumière. Donc à cette époque-là, cette loi est une révolution, et en fait elle enlève une sacrée épine du pied à Einstein. Parce qu'à l'époque, celui-ci essayait de faire rentrer un peu de force dans sa théorie un univers statique. En effet, la masse de l'univers à l'intérieur, donc la masse des objets dans l'univers, devrait tendre à le retenir vers l'intérieur, à l'attirer vers l'intérieur, ce qui devrait soit le faire décroître, ou s'il est en expansion, de le faire croître de moins en moins vite, en fait. Il est retenu vers l'intérieur. Et pour admettre un univers statique, il faut imaginer qu'il y a une force répulsive inconnue qui va contrebalancer la gravité, et donc qui va permettre que l'ensemble soit stable et statique. Et donc Einstein doit introduire une constante cosmologique dans son modèle pour contraindre cet univers à rester statique. On ne sait pas trop exactement pourquoi est-ce qu'Einstein essayait de prouver que l'univers était statique. C'était sans doute des raisons philosophiques derrière. C'était quelque chose d'assez difficile à admettre que l'univers est en expansion. Et donc on avait envie d'imaginer un univers assez stable. Et donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc cette constante, ça permet du coup de pas avoir à faire une sorte de jeu d'équilibriste. Et donc il a viré la constante et a admis que l'univers était en expansion. Il a même été d'ailleurs remercié Hubble pour lui avoir ouvert les yeux. Il a reconnu son erreur et il a été remercié Hubble. Maintenant passons au télescope. Vous verrez plus tard donc pourquoi j'ai commencé par cette longue introduction sur Hubble. Donc la personne que vous devez absolument retenir pour avoir porté à bout de bras ce télescope tout le long de son histoire, c'est Lyman Spitzer. Donc en 1946, ce jeune physicien américain, il décrit dans un papier, dès 1946, les deux principaux avantages d'un télescope spatial. Donc, quels sont-ils ? Dans un premier temps, la résolution angulaire. J'en avais déjà parlé dans mon émission sur les télescopes, donc c'était une de mes premières émissions, il y a un peu plus d'un an, je pense. Donc, rapidement pour les nouveaux, on va parler de résolution angulaire pour désigner l'angle minimum que va détecter un appareil optique et qui va lui permettre de séparer deux points. Ainsi, l'œil humain peut détecter un angle de 1 minute d'arc environ, ce qui fait que il peut séparer deux points séparés de 1 mm s'ils sont situés à 3 mètres.

Et donc, en fait, il va pouvoir observer que quand il est du côté nuit, les objets qui sont situés à l'opposé de la Terre. Du coup, ça veut dire que on peut pas vraiment, on est limité à des, une orbite, et puis après, on fait, donc on peut pas observer vraiment jour et nuit. On observe de toute façon que la moitié du temps. Sauf pour certains objets, qui eux sont situés donc très au nord ou très au sud, et donc je sais pas si vous voyez, mais donc la Terre tourne autour du Soleil dans le plan de l'écliptique, et donc si vous observez des observations, votre ligne de visée est perpendiculaire, complètement, vous allez pouvoir, en permanence, en fait, pouvoir regarder sans être gêné ni par la Terre, ni par le Soleil. Oui, je ne l'ai pas dit, Hubble orbite autour de la Terre. Hein. Donc, environ toutes les 45, une heure et demie, il fait un tour en environ une heure et demie. Du coup, si vous observez très au nord ou très au sud, on peut effectivement faire de très longues pauses pour ces objets-là. La planification en fait, des orbites, c'est quelque chose d'assez compliqué pour ce télescope-là. On ne peut pas anticiper plus de 2 semaines en avance, car les perturbations sur le télescope font que sa trajectoire est difficile à prévoir. On doit faire tenir aussi les décharges de mémoire donc, vers la Terre, envoyer les données vers la Terre. Les acquisitions de cibles, donc, c'est-à-dire que le satellite doit trouver sa position, trouver la cible et réussir à l'acquérir et se bloquer sur elle. Maximiser le temps d'observation en prenant en compte l'intérêt scientifique. Par exemple, qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire à certains moments et d'autres non. Et en prenant aussi le fait que certaines observations doivent être faites à une certaine période, si c'est un événement court. Donc, par exemple, l'explosion d'une supernova, c'est un événement qui dure environ un mois. Donc, ça veut dire que l'observation doit arriver. Si vous prévoyez le programme Double, vous pouvez vous retrouver à avoir une observation à placer la semaine prochaine qui vous tombe dessus. Bref, donc c'est ça le principal travail de l'endroit où je travaille, c'est des gens qui prévoient ce genre de choses, qui prévoient le programme de Hubble, et c'est pour ça qu'il y a des ordis qui chauffent fort, et en fait j'ai appris récemment que le bâtiment dont je vous parle, mais dont je devais vous parler puisqu'il a été évacué, il est chauffé en fait par les ordinateurs, et donc dès que la température extérieure dépasse 10 degrés, en fait la climatisation du bureau se met en marche, parce que sinon il ferait trop chaud, parce qu'en fait donc il s'agit de refroidir les ordinateurs, et donc les ordinateurs se refroidissent en chauffant le bâtiment, mais dès qu'il fait plus de 10 degrés dehors, on est obligé de toute façon de mettre la clim. On va maintenant, donc après cette courte page de publicité pour l'endroit où je travaille, revenir donc à la jeunesse de l'instrument. Donc la route fut assez longue pour Spitzer, donc la personne qui a passé donc une grande partie de sa carrière à essayer de faire que ce télescope spatial devienne une réalité. D'ailleurs, entre parenthèses, on lui a rendu hommage, car maintenant un autre satellite spatial, qui d'ailleurs est maintenant, je crois, a fini sa mission, s'appelle Spitzer. Donc le télescope spatial Spitzer, qui a rendu hommage donc à ce scientifique qui a évolué sa carrière à ce que Hubble devienne une réalité. Donc en effet, donc quand il le propose, donc au début des années 50, fin des années 40, le coût est très prohibitif et les défis techniques sont des freins très importants. Et même au sein de la communauté scientifique, en fait, les gens sont assez disputés à savoir est-ce qu'on met autant d'argent dans un même panier ? Est-ce qu'on ne veut pas faire plusieurs ? Parce qu'avec l'argent de Hubble, on peut faire plusieurs télescopes terrestres. Donc ça veut dire mettre un peu tous ses œufs dans le même panier. Mais donc en 1968, la NASA commence à développer des plans fermes pour un projet de télescope spatial de 3 mètres, donc à l'époque, appelé le Large Space Telescope, LST, prévu pour 1979. Donc ce projet comprend une possibilité de rénovation par les humains en vol, ce qui allait parfaitement avec le projet de navette spatiale qui est aussi mis dans les tuyaux la même année. Et donc ces deux projets en même temps. Qui devront profiter l'un de l'autre. Initialement, il était même prévu de pouvoir ramener Hubble sur Terre dans la navette pour des remises à niveau. Bon, et puis on s'est rendu compte que ça coûtait assez cher. Et puis en fait, les projets spatiaux aussi sont toujours extrêmement dépendants du climat politique actuel et de l'humeur du Congrès à ce moment-là. Il y a un cadre de NASA qui explique en 84 que si nous ramenons Hubble à Terre, il ne va jamais redécoller. Donc ils ont préféré en fait privilégier le fait de pouvoir le rénover en l'air. En 79, c'est un peu ambitieux et le projet va prendre du retard et dépasser son budget. Donc on va passer d'un miroir de 3 mètres à un miroir de 2,4 mètres, donc il y a le miroir actuel. et le lancement de ce qui est devenu entre-temps le Hubble Space Telescope, donc HST, est finalement prévu pour octobre 1986. Cependant, donc en janvier de cette année, en janvier 86, la navette Challenger explose au décollage, tuant 7 astronautes et mettant en pause les lancements. Donc Hubble, qui est quasiment prêt à ce moment-là, est stocké dans une immense salle blanche. Donc une salle blanche, c'est une salle extrêmement propre, où on enlève toute la poussière pour éviter qu'elle ne se dépose sur les optiques ou à l'intérieur des électroniques. Et le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, parce que donc Hubble fait la taille d'un bus. Donc vous avez quelque chose qui fait la taille d'un bus, donc qui est stocké pendant 4 ans dans une salle extrêmement propre, qui coûte environ 6 milliards de dollars par mois. 6 millions de dollars par mois, pardon. Donc le projet, initialement estimé à 400 millions, donc dans les années début des années 70, va finalement arriver à taper le 2,5 milliards de dollars le jour où il s'est envoyé. Donc il y a 25 ans, le 24 avril 1990. À ce jour, le coût, donc il faut aussi compter toutes les missions d'entretien qui ont eu lieu, donc il y a eu 5 missions d'entretien, et puis aussi la surveillance 24 heures sur 24, on approche des 10 milliards de dollars. Donc cependant, il faut, comme pour tous les projets de ce type, il faut ramener aux échelles de temps mises en œuvre. Donc si on compte seulement la durée d'utilisation, c'est-à-dire 25 ans, ça revient à 1,5 $ par an et par américain. Mais tout de même, c'est quand même assez cher, donc 2,5, donc la NASA espère vraiment que ça va marcher. Et justement, en fait, ça marche pas. Mais alors, pas du tout. Donc très vite, on s'aperçoit que les panneaux solaires sont pas assez rigides. Et en fait, lorsqu'ils passent de la lumière au soleil et du soleil à la lumière, donc toutes les 45 minutes, enfin 50 minutes environ, ils se mettent à vibrer. Donc ils vibrent pendant 5 minutes. Ça veut dire qu'on a environ 10, plus de 10 minutes par observation, par tour, où on ne peut pas observer. En passant d'ailleurs, c'est l'Agence spatiale européenne qui s'était occupée des panneaux solaires en échange d'un temps d'accès au télescope pour les astronomes européens. Et ils s'en sont d'ailleurs vantés sur Facebook la semaine dernière en disant « Ouais, c'était nous qui avons construit les panneaux solaires ». Et j'ai partagé le lien avant de m'apercevoir que je pense que le community manager de l'Agence spatiale européenne aurait mieux fait de s'écraser sur ce coup-là. Mais donc, effectivement, donc les panneaux solaires ont dû être remplacés plus tard, comme on le verra. Mais le plus gros problème, en fait, ça vient de la NASA. Un mois après le lancement, le télescope réagit assez bizarrement. On prend des images et la qualité est à peine meilleure que celle sur Terre. Donc la résolution angulaire, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui fait apparaître les contours bien nets. C'est ce qui fait qu'un point est une toute petite tache au lieu d'être un gros pâté, n'est pas au rendez-vous. On s'aperçoit que tous les instruments sont dans ce cas. C'est la crise, donc ça veut dire que ça vient d'une des premières optiques, une des optiques qui va desservir tous les instruments, et pas seulement d'une optique à l'intérieur d'un instrument. Donc ça veut dire les optiques les plus grosses. Et puis on réalise qu'en fait c'est un défaut du miroir primaire, donc c'est-à-dire le plus gros miroir, celui de 2,4 mètres de diamètre, et que ce défaut est beaucoup trop important pour être corrigé avec les moyens embarqués. Donc là c'est assez terrible. L'erreur est identifiée en quelques mois, en quelques semaines même. Il s'agit d'une aberration sphérique, c'est-à-dire que le bord du miroir ne fait pas tout à fait la mise au point au même endroit que le centre du miroir. Vous avez un problème en fait de défocus. Ce qui en résulte donc une image floue d'un point, et donc une résolution, donc ça veut dire qu'un point n'est pas une petite tache sur le détecteur, mais un gros pâté sur le détecteur, et donc une résolution angulaire complètement dégradée. Donc les directeurs des différents instruments réalisent un par un les conséquences pour les performances de ce sur quoi ils ont bossé une grande partie de leur carrière. Donc ainsi, par exemple, Jim Wetfall, donc directeur du principal instrument, le Wide Field Planetary Camera, qu'on abrège en WFPC, et en fait que les gens prononcent WIFPIC. Donc le directeur du WIFPIC réalise qu'à 61 ans, il a consacré 14 ans de sa carrière à un instrument, et que en fait l'aberration sphérique balaye essentiellement l'intégralité du programme scientifique de l'instrument. L'astronome Sandra Faber, c'est l'une des premières qui a identifié précisément le problème de l'aberration sphérique, envisage même le pire dans son journal, une commission d'enquête du Congrès américain, la fermeture de la NASA, l'astronomie tout entière qui devient une science paria, les carrières des jeunes chercheurs brisées. Et en fait, c'est pas tant si pessimiste que ça. Parce qu'on est 4 ans seulement après Challenger, donc ça veut dire que les deux projets que la NASA portait depuis 20 ans, qui ont englouti des milliards, sont au mieux un semi-échec. La navette a marché, mais elle a quand même tué 7 cosmonautes. Le Hubble a marché, Hubble ne marche pas. L'URSS aussi, à ce moment-là, est en train de s'écrouler, et donc la course à l'espace perd vachement de son intérêt. Donc les journaux sont très très critiques. Le Los Angeles écrit « Le monde voit maintenant le résultat honteux du laxisme et de l'incapabilité de la NASA ». Je ne sais pas si c'est un mot français, incapabilité. Mais... la NASA voit ses heures les plus sombres donc arriver et perd le soutien populaire. Par exemple, donc dans la comédie « Y a-t-il un flic pour sauver le président ?» Donc je l'ai pas vu, mais elle est sortie en 1991 et en fait Hubble est présenté à côté de plusieurs échecs de projets énormes, donc à côté du Titanic et du dirigeable Hindenburg. Donc pour bien montrer que c'est un gros bide à plusieurs milliards. Donc comment la NASA a pu se planter à ce point sur ce qu'elle présentait comme le meilleur miroir jamais mis au point ? Donc la commission d'enquête débarque chez le sous-traitant qui a fabriqué le miroir. Et en fait, ce sous-traitant avait aussi fabriqué une machine extrêmement perfectionnée pour mesurer la surface du miroir à une précision inégalée. Cependant, en fait, il y avait un capuchon qui devait être non réfléchissant et qui a été éraflé. Donc un tout petit éraflure sur un capuchon, ce qui fait qu'il est devenu, la peinture anti-réfléchissante est partie, et donc il est devenu très légèrement réfléchissant. Et en fait, la machine a parfaitement réalisé sa tâche, faire le meilleur miroir jamais conçu. Le problème, c'est qu'elle a focalisé sur le reflet du capuchon, qui se trouvait à 1,3 mm trop près par rapport au miroir sur lequel on devait normalement faire la réflexion, sur la focalisation. Et donc, des tests sur des machines, donc ça a fait que la machine a effectivement très bien fonctionné et a fait un miroir extrêmement précis, mais sur une mesure fausse. Des tests sur des machines plus rudimentaires ont avait mis en évidence cette aberration sphérique, mais en fait les ingénieurs les avaient négligés ces tests-là au motif que ils avaient construit une machine qui était extrêmement précise, donc il y avait pas, elle était sans aucun doute plus précise que les autres. Donc si quelqu'un devait se tromper, c'était sans doute les autres. Donc l'erreur au final est de 2 micromètres au niveau du bord du miroir, donc ce qui est pas énorme, mais ce qui détruit complètement les performances en contraste. Donc voilà. Mais très vite, en fait, la riposte se met en place, en particulier au niveau du Space Telescope Science Institute. Donc la première mission de réparation est prévue en 1993, donc par une mission de réparation par une navette spatiale. Ces missions étaient à peu près prévues tous les 3 ans en moyenne, donc ils l'ont pas avancée, elle est restée à peu près au moment où elle devait être faite. Et donc elle devait remplacer les instruments qui sont... et les instruments, en fait, ils avaient prévu donc depuis très longtemps quelque chose qui était... modifiable, c'est-à-dire que c'est des modules que l'on peut débrancher du télescope et rebrancher, et qui sont faits pour pouvoir être faits en l'air par des astronautes. Et donc en fait, la NASA souhaite en priorité faire des belles images pour sauver sa réputation, et donc incorpore directement les modifications sur un instrument qui devait déjà être changé, donc il s'agit de WIFPIC, et donc qui va passer donc à WIFPIC 2. Et qui est automatiquement upgradé en ajoutant des optiques directement dans l'instrument qui introduisent le défaut inverse de celui qui est créé par le miroir. Et pour les 4 autres instruments, il faut aussi trouver une solution. On ne peut pas remplacer les 5 instruments d'un coup, donc ça veut dire que soit on n'en remplace qu'un seul ou 2 et que les 3 autres ne marchent pas jusqu'à la réparation d'après, donc qui intervenait normalement en 96. Donc il faut trouver une solution. Donc une solution que certains envisagent à un moment, c'est de même, par exemple, mettre une optique devant le miroir, donc un truc de plusieurs mètres de long, ou alors de faire descendre un cosmonaute à l'intérieur donc du canon de Hubble, donc à l'intérieur du télescope, pour aller poser une optique entre le miroir primaire et le miroir secondaire. Donc il faut se dire quand même qu'il y a quand même un risque qu'il reste coincé à l'intérieur en direct à la télé américaine. Ce qui ne serait pas vraiment la meilleure pub pour la NASA. Donc finalement, Jim Crocker, du STSCI, donc le Space Telescope Science Institute, trouve une solution. Donc ils vont construire un module, en fait, qui pourra rentrer à la place de notre instrument, comme prévu, donc un instrument, sauf qu'il ne va pas faire d'observation. Une fois qu'il est dedans, en fait, il va déplier des bras qui vont aller faire passer des optiques devant les faisceaux de tous les autres instruments. Ce qui va en fait permettre donc de réparer tous les instruments grâce à ce module. Donc on devra sacrifier un instrument, mais on sauvera les autres. Et donc il y a un instrument, donc j'ai oublié le nom, qui en fait n'a jamais pu trop servir parce que il n'a été sur le télescope qu'au moment où les performances étaient fortement dégradées et il a été ramené sur Terre pour pouvoir mettre ce module qui a permis de réparer tous les autres. Donc ce module s'appelle COSTAR, pour Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Donc voilà, la première mission de réparation, c'est en 1993, c'est la plus ambitieuse jamais tentée. Elle incorpore un Suisse, donc Claude Nicollier, et une femme, Catherine C. Thornton, donc les deux qui sont suffisamment rares pour être notés. Et donc en 5 jours et autant de sorties spatiales, les membres de l'équipe changent les panneaux solaires, remplacent WIFPIC 1 par WIFPIC 2, mettent en place COSTAR, remplacent 4 gyroscopes, changent la mémoire et d'autres composants. Plusieurs plombs qui avaient sauté aussi. Donc la mission est un succès complet, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu au cas où 2 sorties extravéhiculaires en plus, au cas où ça ne se passait pas, mais ils n'en ont pas eu besoin. Et donc ils ont réussi donc en seulement 5 sorties à changer tout ce qu'ils avaient fait. Donc la mission est un succès assez incroyable. Et donc je vais mettre une image dans la chat room, là, un photomontage que j'ai fait donc avec les performances avant réparation, avant Hubble, avec le Hubble avec des performances dégradées, avec Hubble et des performances restaurées, donc après COSTAR, et enfin une image en 2012. Donc je sais qu'on est sur un podcast, j'ai pas mis trop d'images, mais bon, c'est dur de faire autrement pour Hubble aussi, donc je vous conseille vraiment d'aller voir le dossier écrit, j'en aurais mis pas mal des images comme ça. Donc là, c'est sur cette image-là, c'est l'étoile Eta Carinae, donc qui est qu'on voit donc en état d'explosion, et qui est une image assez notable de Hubble. Et donc on voit très nettement l'amélioration. Les différentes missions de service de réparation de Hubble par la navette spatiale américaine ont permis d'augmenter la durée de vie de manière assez spectaculaire. Donc en apportant parfois in extremis les composants nécessaires à sa survie, elles ont ainsi donc remplacé un par un les instruments. Le télescope est donc toujours pourvu d'instruments récents et permet de faire des observations d'excellente qualité, comme le prouve d'ailleurs son succès avec l'augmentation du nombre de demandes du temps chaque année. Les instruments suivants ont été intégrés en interne l'aberration donc, du miroir. Et donc en fait, COSTAR, au moment où tous les instruments de première génération avaient été remplacés, a été redescendu sur Terre, parce qu'il n'avait plus d'intérêt. Et il est d'ailleurs maintenant exposé, donc après 16 ans dans l'espace, il est aujourd'hui exposé au Musée de l'Air et de l'Espace de Washington. La dernière mission de réparation a eu lieu en 2009. Et comme la navette est maintenant clouée au sol, ça sera sans doute la dernière réparation de Hubble. Et donc maintenant, Hubble est maintenant livré à lui-même. Et on pense qu'il devrait au moins tenir jusqu'à 2020 avec les réparations qu'on a fait en 2009. Permettant donc une superposition avec son remplaçant, le James Webb Space Telescope, lancement prévu en 2018. Donc maintenant je vais passer donc à quelques découvertes majeures de Hubble, sans toutes les mettre, mais 3 qui me paraissent vraiment importantes. Donc en 1995, on a décidé de prendre une région très au nord, ce qui permet une observation quasiment en continu. Donc comme je l'ai dit, ce qui a permis on a pris cette région donc qui était toute petite et on l'a observée intensivement pendant 8 jours avec plusieurs filtres spectraux, donc à plusieurs longueurs d'onde. En cumulé, donc plus de 140 heures d'observation ont permis donc d'observer ce qu'on appelle le Hubble Deep Field. Donc on a choisi cette région parce que donc justement elle était donc très au nord, ce qui permettait de faire des observations en continu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi et parce qu'elle était assez vide finalement, donc on a essayé de limiter le nombre d'étoiles dans notre galaxie dans cette région. Donc ce qu'on voulait observer, c'était les objets qui n'étaient pas dans notre galaxie. Et donc l'image est assez impressionnante. On a observé près de 3000 galaxies qui furent découvertes dans cette région. Donc dans une région qui est grand comme une balle de tennis vue à 100 mètres de distance. Donc cette analyse, c'est un des papiers les plus cités de Hubble, avec 970 citations à ce jour, donc sur le Hubble Deep Field, et elle a permis de trouver un très grand nombre de galaxies à haut décalage vers le rouge, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec un très grand Z, donc c'est-à-dire avec très grande distance, et des galaxies aussi, donc comme elles sont, dont l'image nous parvient très jeune dans l'univers, donc ça veut dire que c'est des galaxies aussi qui apparaissent à un âge très jeune. Et donc, par exemple, dans le Hubble Deep Field, on est remonté jusqu'à Z égale 6 pour la première fois. Ces galaxies à haut décalage vers le rouge sont très éloignées, donc très jeunes, ce qui a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'évolution des galaxies. En particulier, on a permis de montrer que les fusions et collections de galaxies étaient beaucoup plus fréquentes dans l'univers jeune. Enfin, en 98, on a refait la même opération vers le sud et on a obtenu des résultats similaires, ce qui valide l'hypothèse que l'univers est isotrope et homogène. Donc isotrope, ça veut dire qu'on a la même chose dans toutes les directions, et homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Oui, ça veut dire aussi qu'il y a la même chose dans toutes les directions. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée, isotrope et homogène. C'est-à-dire au final qu'en fait, on n'est pas vraiment à un endroit particulier de l'univers. On est à peu près, dans toutes les directions, il y a la même chose, donc on est à un endroit assez basique de l'univers. Enfin, une des théories à cette époque aussi, c'était que la matière noire était constituée de macho. Donc les macho, c'est les Massive Astrophysical Compact Halo Objects. On avait déjà parlé des macho, Marco nous en avait parlé dans un des dossiers, un des premiers épisodes de Podcast Science sur la matière noire. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces macho seraient des objets massifs, mais très peu lumineux, comme les naines brunes. Et donc, ça ferait que cette matière noire serait en fait de la matière bien connue, de la matière avec des atomes comme ce qu'on connaît, sauf que ça serait des étoiles très peu lumineuses. Et donc, en fait, le Hubble Deep Field a permis d'invalider cette hypothèse parce qu'en fait, dans son champ, il n'y avait finalement pas assez de naines brunes et d'objets très faiblement lumineux de matière normale pour expliquer toute la matière noire qu'on observe. Le Hubble Deep Field donc, a permis d'invalider cette hypothèse. En 2003, Hubble a réalisé un Ultra Deep Field avec plus de 275 heures d'observation dans une autre région. Et donc ces grands champs sont encore quelque chose d'assez inaccessible depuis le sol, même avec les dernières techniques d'optique adaptative. Donc je vous ai mis une image de l'Ultra Deep Field dans la chatroom. Une autre découverte de Hubble concerne les trous noirs dont on a parlé avec Jean-Pierre Luminet le mois dernier. Donc ainsi, on a trouvé des trous noirs supermassifs au centre de la plupart des galaxies, comme ici au centre de la galaxie. Ah, j'ai pas de galaxie du sombrero. Donc si quelqu'un peut me mettre la galaxie du sombrero. Je l'avais pris tout à l'heure, mais donc c'est une image assez connue d'Hubble. Et donc on a observé que la plupart des galaxies ont un trou noir en leur centre. On a aussi pu mettre en évidence qu'il existe une relation entre la masse et la luminosité, la masse du trou noir et la luminosité de la galaxie, ce qui montre donc une évolution en tandem de ces trous noirs supermassifs et de ces galaxies. Enfin, donc maintenant on peut revenir à Edwin Hubble, donc celui dont je vous ai parlé au début. Les observations de galaxies ont permis de bien contraindre la constante cosmologique avec une bien meilleure précision qu'auparavant. Donc, il faut rappeler, avant Hubble, les estimations faisaient état d'une constante entre 50 et 100, ce qui était assez large quand même comme barre d'erreur. Et donc Hubble a permis de ramener cette constante autour de 70, donc de diminuer très fortement la barre d'erreur. Mais c'est pas tout. Donc en 98, deux équipes concurrentes, la HIZ Supernova Search Team et la Supernova Cosmology Project, ces deux équipes ont utilisé des observations Sol et des observations Hubble pour observer des supernovas de type 1A. Donc des supernovas de type 1A, c'est des explosions en fait qui se créent dans le ciel, extrêmement brillantes, assez courtes finalement, un mois environ, et qui viennent en fait du fait que c'est une naine blanche, donc quelque chose qui a une masse assez bien connue, parce que si vous ajoutez trop de masse à une naine blanche, en fait, elle dégénère et elle devient une étoile à neutrons. Donc une naine blanche qui a une masse assez bien connue et qui accrète de la matière qui vient d'une étoile proche, qui aspire la matière d'une étoile proche. Donc elle gagne de la masse, et donc à un moment, en fait, elle va gagner de la masse jusqu'à ce qu'en fait, il va se passer un phénomène assez connu, à une masse assez précise, qui va faire qu'il va exploser. Donc en fait, si on connaît très précisément la masse au niveau de l'explosion, on peut aussi décrire très précisément la luminosité de l'explosion. Et donc si on connaît très précisément la luminosité de l'explosion, et qu'on observe une explosion dans le ciel, on peut dire que c'est une supernova de type 1A, bah donc on va pouvoir déduire exactement la distance de cette explosion. C'est ce qu'on appelle la différence entre magnitude absolue et magnitude apparente. Donc, magnitude apparente, c'est si vous êtes sur un bateau et que vous observez un phare. Si vous connaissez la luminosité du phare absolu, vous allez pouvoir en déduire la distance qui vous parvient de lui. Bon, c'est pas conseillé quand vous êtes dans un bateau, mais bon, nous on n'a pas le choix en astronomie, et c'est comme ça qu'on fait pour observer des distances. On prend des objets dont on connaît, ou dont les modèles prédisent très précisément la luminosité absolue, ce qui va donc nous permettre de déduire la distance en fonction de la luminosité que l'on observe vraiment. Donc on va observer ces supernovas qui vont exploser donc dans des galaxies très lointaines à des Z très grands. Et donc ces observations ont donc permis d'évaluer avec une grande précision l'évolution de la constante de Hubble au cours du temps. Et donc surprise en fait, on a démontré que ces observations montraient que l'univers donc était en expansion, ce que Hubble avait prouvé 60 ans auparavant. Maintenant en fait, on avait prouvé que l'univers accélérait. Donc en fait, Einstein avait raison. Finalement, l'univers ne s'écrase pas, il ne ralentit pas. Il y a effectivement une force inconnue qui contre la gravité et qui pousse l'univers vers l'extérieur de plus en plus loin. Donc il avait raison en soi, au sens où il avait raison que cette force était là. Donc après, même si l'effet finalement n'est pas celui d'un univers statique, mais d'un univers accéléré. Et donc cette énergie sombre, cette énergie, on l'a appelée l'énergie sombre. Et donc certains cosmologiques lui trouvent pas mal de points communs avec la constante cosmologique qu'Einstein avait jetée à la poubelle dans les années 30. Et donc cette découverte a valu le prix Nobel à trois personnes de ces deux équipes pour avoir donc prouvé que l'univers était en accélération. Pour finir, donc Hubble, c'est aussi un nombre absolument incroyable de photos fantastiques. Donc je pense que un des très très gros avantages de Hubble, ça a été aussi cet accès à l'espace pour le grand public, donc avec des photos très belles. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour la rose. C'est deux galaxies qui sont en collision, ce qui forme une sorte de rose cosmique. Après, il y a aussi les piliers ce qu'on a appelé les piliers de la création, qui a été une des photos, les premières photos très médiatisées de Hubble, très belles. Qui a d'ailleurs été récemment refaite dans une autre longueur d'onde, et ce qui lui donne du coup une couleur. On voit que c'est pas du tout la même image, on voit beaucoup plus les étoiles, et les piliers de la création sont autour d'une sorte de feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'aime beaucoup? Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous mettre. Voilà. Ah, et oui, aussi, on a fait aussi beaucoup d'explosions d'étoiles avec ces images. De nébuleuses planétaires, donc comme celle de l'œil du chat. Et donc ces nébuleuses planétaires montrent des grands nuages de gaz, souvent avec certaines symétries, et donc qui sont aussi très belles. Je vous conseille d'aller voir donc toutes ces images, je les mettrai dans le dossier. Voilà. Allô ? On est là. On est fasciné devant la beauté de ces images. Sans voix. Ouais, il y en a qui sont impressionnantes. Enfin, on croit à chaque fois que c'est des fausses images. Enfin, moi, il y en a certaines que je n'avais pas vues. C'est hallucinant, quoi. Ok, merveilleux. Du coup, on a eu quelques questions d'auditeurs dans la chatroom. On avait Gépif, alors c'était à peu près un quart d'heure après le début de ta présentation, qui demandait si les techniques qui permettent d'annuler l'effet de l'atmosphère, les systèmes d'optique adaptative, ne limitent pas l'intérêt d'un Hubble. Alors, oui, précisément, effectivement, pour certaines choses, effectivement, on arrive à faire des images maintenant aussi bonnes depuis la Terre. Alors par contre, il y a une chose où on n'arrivera jamais à faire aussi bien que depuis l'espace, quand bien même, enfin, on n'arrivera jamais. On est encore très loin en optique adaptative. C'est que l'optique adaptative permet de corriger donc sur une colonne d'atmosphère. Si vous observez dans une direction, vous allez prendre une étoile guide qui va vous permettre de corriger les aberrations introduites dans cette colonne d'atmosphère. Et donc, si vous voulez faire ce que Hubble fait très bien, c'est-à-dire des très grands champs, c'est-à-dire de corriger à la fois sur une énorme zone, vous allez avoir de la lumière qui vient de plusieurs endroits différents, donc même si c'est une zone assez petite, donc plusieurs endroits différents, du coup, vous allez devoir corriger sur plusieurs colonnes à la fois. Donc ça, c'est possible. Ça commence à être possible en optique adaptative, mais on est encore très très loin des performances qu'on obtient avec Hubble, qui permet de faire une image très nette sur une grande zone de champ à la fois. Et puis, il reste toujours le fait qu'il y a des choses qu'on ne voit pas depuis la Terre, et ça, on n'y pourra toujours jamais rien. Donc des longueurs d'onde qui ne nous arrivent pas jusqu'à nous, parce qu'elles sont bloquées par l'atmosphère, et ça, on n'y pourra toujours jamais rien. Donc on aura toujours besoin de... Enfin, on aura toujours des choses intéressantes à faire des satellites vers le ciel qu'on ne peut pas faire plus depuis la Terre. Ok, merci beaucoup. On a une question de Damien qui demandait pourquoi on ne reprend pas une orbite autour de la Terre pour le futur James Webb télescope comme Hubble, mais un point de Lagrange, ou pourquoi on n'a pas pris un point de Lagrange pour Hubble. C'est juste une question de progrès technologique. Peut-être qu'avant de répondre à la question, tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un point de Lagrange. J'allais le faire. Merci. Donc un point de Lagrange, c'est un point qui est situé à des endroits... Enfin, pour tous les systèmes à deux corps, il y a des points de Lagrange. C'est des points qui sont, en fait, si vous écrivez les équations de la gravité avec les deux planètes sur un objet, un troisième objet, vous voyez qu'il y a des endroits stables de la gravité. Donc par exemple, un point de Lagrange, c'est un point qui est situé à peu près entre les deux, un peu plus près, c'est le barycentre que vous connaissez en mathématiques. Je sais bien que Robin Oder aurait dû venir. Le barycentre de la truc, c'est un point de Lagrange. Mais donc, il y a d'autres points de Lagrange, il y en a cinq en tout. Et l'avantage de ce point-là, donc, c'est qu'il est stable et donc on peut envoyer des objets là-bas. Donc en particulier, donc, le point L2 de la Lune et de la Terre, c'est un point qui est assez loin, qui est assez stable, donc il y a besoin de peu d'énergie pour le garder là, un satellite à cet endroit-là. Et il se trouve qu'il est suffisamment très éloigné de la Terre, et donc beaucoup plus éloigné que l'orbite Hubble de la Terre, ce qui permet de faire des observations en étant moins gêné par la lumière de la Terre. Pourquoi maintenant, en fait, on a mis Hubble en orbite proche et les satellites en orbite les autres, ou beaucoup d'autres, en fait. Il n'y a pas que le James Webb. Par exemple, le satellite Planck, le satellite Herschel ont été tous les deux envoyés sur le point L2 de Lagrange. C'est parce que Hubble, on voulait le faire réparer, en fait, depuis le début. On voulait, en fait, depuis le début, pouvoir envoyer des navettes spatiales là-bas. Il se trouve que maintenant, il n'y a plus de navettes spatiales. Et il y en aura peut-être d'autres moyens d'aller dans l'espace dans un futur plus ou moins proche. Mais pour le moment, en fait, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a plus cette tentative vraiment de créer vraiment un observatoire qu'on peut entretenir dans l'espace. Le James Webb Space Telescope est vraiment une mission. Une fois envoyé, on ne pourra plus y toucher, il restera comme ça. Donc il y a des avantages, on pourra faire un peu de la meilleure science. Il y a des inconvénients, on ne pourra pas la réparer. Mais donc voilà, je pense que c'est plus une idée de la politique générale de la NASA à ce moment-là qui a changé. Cela dit, j'ai lu récemment que le James Webb avait quand même prévu un port pour pouvoir l'attacher à un vaisseau s'il arrivait. Donc si d'ici 10 ans on décide d'y aller avec, bon, c'est un peu imaginaire parce que pour le moment les États-Unis n'ont pas de vaisseau humain, pas de vaisseau pour transporter des humains, mais bon, ils ont quand même prévu la tâche. Très bien, merci beaucoup. Kyoku a demandé tout à l'heure s'il y aurait un intérêt à mettre un télescope en orbite autour d'une autre planète que la Terre. À part si vous voulez observer la planète en question, non, je pense pas. Il y a des trucs en orbite autour de Mars et de Jupiter, et de Mercure et de Vénus, je pense. Mais à part si vous n'êtes pas vraiment intéressé par... Enfin, si vous êtes intéressé vraiment à l'univers lointain, non, il n'y a aucun intérêt. Très bien. Kyoko a posé une autre question. Il a demandé si Hubble a déjà été percuté par un déchet dans l'espace. Sans aucun doute, oui. Mais pas des trucs très gros, mais il s'est sans doute pris des petits machins qui ont dû être réparés au fur et à mesure. Donc, j'ai pas exactement, mais bon, s'il y avait eu un truc trop gros, ça l'aurait cassé. C'est pas Gravity, hein, pour ceux qui l'ont vu, mais il y a sans doute eu des machins qui l'ont percuté, oui, à un moment ou à un autre. Ok, justement, ODPJ demandait s'il y a des risques de collision d'objets en orbite avec ce type de télescope. Donc manifestement, la réponse est oui. Oui, je pense, comme tous les objets en l'air, il y a des risques de collision. Il y a eu des télescopes. Le premier télescope français qui s'appelait Cerise, ils l'ont envoyé et au bout d'un moment, il ne recevait plus rien. Et en fait, c'est qu'il s'appelait Cerise parce qu'il avait une très belle antenne, un petit satellite avec une très grande antenne qui faisait comme une queue de cerise, et la queue a été coupée très vite par un débris. Donc ça arrive, oui, les débris qui tapent des télescopes et qui les cassent, enfin des satellites et qui les cassent. Deux choses déjà, c'est pas arrivé un truc massif sur Hubble, et aussi on a pu le réparer tous les 3 ans environ, ce qui a permis de limiter les dégâts. Ok, je crois qu'on n'a pas d'autres questions dans la chatroom, à moins que quelqu'un en ait repéré une que j'ai loupée. J'en avais repéré une de Gepif au début qui me demandait s'il y avait des traitements sur les images, et ça c'est quelque chose aussi intéressant. En fait, Oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a des traitements de certaines images. Ce n'est pas l'image brute qui nous sort du télescope. Enfin, il y a aussi des traitements dans votre appareil photo hein, numérique. Hein. L'image, ce n'est pas celle qui apparaît directement sur le détecteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des traitements? C'est-à-dire que les images donc, vont être finalement en noir et blanc parce que ça va être des images d'intensité dans certaines longueurs d'onde. Et donc, vous allez ajouter toutes ces longueurs d'onde, vous allez prendre toutes ces longueurs d'onde les unes après les autres et les recoller pour faire une image couleur après. Vous allez aussi, par exemple, retirer les pixels morts, les pixels trop brillants de votre détecteur. Si vous avez une météorite qui passe dans le champ pendant que vous prenez la photo, bah vous allez avoir une étoile filante dans le truc, donc vous allez vouloir supprimer... Enfin, pas une étoile filante, parce qu'elle ne rentre pas dans l'atmosphère, mais vous allez avoir un machin qui va traverser l'écran. Vous allez vouloir retirer ce genre d'effet. Si vous voulez retirer les rayons cosmiques, qui vont vous faire des trucs très brillants sur le détecteur. Donc, en tout ça, en fait, ces images sont travaillées pour obtenir une meilleure qualité, mais après, elles ne sont pas trafiquées. C'est-à-dire que c'est effectivement ce qu'on observe, donc pas forcément dans le visible, ça peut être de l'infrarouge, ça peut être de l'ultraviolet, mais les images ne sont pas trafiquées, c'est effectivement vraiment ce qu'on a dans l'espace autour de nous, au niveau de la forme, si vous voyez ce que je veux. Je crois qu'on voit, ouais. Formidable. Bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour ce dossier. C'était vraiment passionnant. Un immense merci, Johan. Et on va passer au pitch de l'émission de la semaine prochaine. Ce sera donc le 5 mai. C'est Nicotube qui va nous parler d'énergie éolienne. Ouais, on revient sur Terre. Alors bon, on voit dans les villes du monde entier apparaître de plus en plus ces grandes machines blanches qui tournent avec trois pales, des sortes de moulins de notre époque. Et on a aussi beaucoup de préjugés, d'idées reçues sur leur fonctionnement et leur non-fonctionnement. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire un peu le point et d'essayer de répondre à plein de questions que se posent les gens que j'ai autour de moi et que je me suis aussi posé. Pourquoi les éoliennes ont cette forme? Pourquoi elles ont trois pales? Pourquoi elles paraissent être toujours à l'arrêt ou paraissent tourner si lentement, etc. Enfin, on va essayer de voir un peu ce que c'est que l'énergie éolienne, comment ça fonctionne, d'où ça vient, parce qu'il y a un petit historique un peu rigolo. Et voilà pour la semaine prochaine, donc sur l'énergie éolienne. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les envoyer. Si vous entendez en tout cas cet épisode avant la prochaine émission, ce qui n'est pas gagné d'avance. Et voilà sur l'énergie éolienne. Alors par contre, je préviens de suite, ça ne sera pas un épisode sur le mix énergétique et sur l'énergie renouvelable. Je vais pas me poser la question de savoir si l'énergie éolienne a un avenir ou si ça sert à quelque chose. Je vais juste tâcher de savoir ce que c'est déjà. Tu es donc un méchant suppôt du nucléaire. Non. Bah alors justement, j'allais le préciser dans l'épisode prochain. Je travaille dans l'éolien. C'est bien pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans le débat de est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que l'industrie éolienne, parce que c'est devenu une industrie alors que avant c'était pas spécialement une industrie, et voir un peu quels sont les enjeux, pour comment ça fonctionne. Et moi, le truc le plus étonnant sur les éoliennes, outre donc les questions que se posent pas mal de monde, c'est pourquoi elles ont toutes la même forme. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve assez étonnant par rapport à plein d'autres types d'énergie. Là, on a vraiment l'impression que les éoliennes se ressemblent toutes. Alors, on va voir que c'est pas forcément exactement le cas, mais qu'il y a quand même eu des choix qui se sont faits, qui sont après répercutés partout. Voilà. Yay. Excellent. On va tâcher de faire assez intéressant. Je suis pas sûr que ce sera aussi bien que Hubble, mais on va tâcher de faire un truc bien. C'est vrai que c'est pas évident de passer après Hubble. Il faudra être indulgent. Ok. Johan, est-ce que tu nous as préparé une quote? Oh. Désolé. Aïe. Pour ma défense, j'ai fait un peu un dossier à la Robin. Je n'avais pas commencé hier à 19h, donc... J'ai une courte nuit. Je vais en trouver une tout de suite. Tu peux continuer. Je cherche maintenant. Et, écoute, en tant que dictateur prévoyant, enfin dictateur de secours, j'ai prévu une quote de secours. Oh. Ouais. Qui dit « The soul without imagination is what an observatory would be without a telescope ». Je la traduis. « L'âme sans imagination est ce que serait un observatoire sans un télescope ». Voilà. Je ne sais pas trop de qui c'est un certain Henry Ward Beecher, un homme d'église. Comme quoi, je ne suis pas regardant. Mais il a quand même des bons côtés, le garçon. Il est abolitionniste de l'esclavage américain, du coup. Ça m'a beaucoup inspiré. Non, ça ne vous inspire rien? Si, j'aime bien, moi. Bon, merveilleux. Merci bien de m'avoir sauvé la mise. Je t'en prie. Mais du coup, on peut conclure joyeusement. Peut-être juste un petit plug, parce qu'on a quand même des news qui arrivent. Je ne sais pas si Julie, tu veux le faire? Ou sinon je vais le faire tout seul parce que je viens de le rajouter dans le conducteur, donc c'est peut-être un peu compliqué. C'est-à-dire que t'es en train de taper pendant que tu parles. On a une retranscription qui a priori est arrivée ou va arriver sous peu sur le site internet, qui est la retranscription de l'épisode de Luminé, Donc comme c'est quand même un sacré boulot d'avoir retranscrit ce qui a été raconté sur Luminé, bah, ça vaut le coup d'en parler. Et est-ce que c'est la seule retranscription qui est arrivée ou est-ce qu'on en a une autre, Julie? J'ai comme un doute. Il y aura le dossier de Nota Bene qui va être publié dans la semaine aussi. Et niveau retranscription, de mon côté, c'est tout, peut-être Joanne, mais je crois pas. Non, donc, on est donc la retranscription de Jean-Pierre Luminé, c'est Stéphanie qui est dans la chatroom, donc merci beaucoup. Merci. Merci Stéphanie. Et si on n'a pas d'autres plugs, on va conclure, donc joyeusement. Pour que la demande de Johan, enfin si vous êtes pour que la demande de Johan d'avoir un petit peu de temps sur Hubble soit acceptée, et si vous voulez retrouver NicoTube derrière le micro la semaine prochaine, tapez le 1. Les deux choses sont indissociables, hein. Vous ne pouvez pas avoir l'une mais pas l'autre. Ouais, si vous avez NicoTube la semaine prochaine, Johan aura son Hubble. Pour retrouver les versions écrites des derniers dossiers de Robin, tapez Robin. Si vous avez aimé, tapez sur like ou sur j'aime ou sur ajouter aux favoris ou sur recommander ou partager. Ou ça, me direz-vous, tapez pas trop fort. Il suffit de taper Podcast Science sur Google, Facebook, Twitter, SoundCloud. Vous devriez nous voir apparaître. Nous sommes sur tout l'Internet mondial. Merci à Johan pour ce formidable dossier. À travers Johan, merci à Edwin Hubble, à Liman Spitzer, à Claude Nicolier, à Marsha Evans. Merci à LGJ qui nous a quand même dégoté une propriété pour le nombre de 116, à Pouillot pour les dessins, Pascal pour la chatroom. Merci à toute l'équipe et merci aux aficionados de la chatroom. C'est toujours un plaisir de partager des conversations avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Nico brasser du vent et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Merde, j'ai oublié de parler de mes sources pour Hubble. Il y avait pas mal de trucs intéressants. Vas-y. De toute façon, il va ajouter plein de bonus. Tu peux y aller. Alors, il y a The Universe in a Mirror, donc, qui est de Zimmerman, qui est donc un bouquin sur... c'est pas un bouquin avec des jolies images. C'est plus un bouquin sur de la politique de... de comment ça s'est passé en fait, l'intérieur des réunions, les mecs qui étaient déprimés au moment où ça marchait pas, aussi le détail de chacune des missions de réparation, parce qu'à chaque fois en fait il y avait des trucs, le machin qui marchait pas, l'écrou qui marchait pas, par exemple dans la quatrième mission, il y a un mec qui raconte, un cosmonaute qui raconte et qui disait j'avais une liste de priorités, priorité 1, revenir vivant, priorité 2, ne pas casser Hubble. J'ai failli pas réussir à faire la priorité 2. En fait, il y a un écrou qui était un peu trop bien fixé, il a forcé, il a failli péter le satellite, enfin bref. Wow. Et donc, en fait, chacune des missions en elle-même est un peu genre, un peu avec des ascenseurs émotionnels comme Hubble, avec ça va pas marcher, ils vont jamais y arriver, et finalement ça marche à la fin. Là-dessus, il y a un excellent film sur Hubble, sur une des réparations qu'ils ont fait, qui passe à la géode parfois, qui passe au futuroscope, pas en 3D, mais il existe une version 3D qui est magnifique. Parce que je crois que sur une des réparations, peut-être la dernière de 2012, là dont tu parlais, de 2009, tu disais plutôt, ils ont envoyé des caméras IMAX pour avoir des superbes images, en fait. Alors oui, ça c'est aussi un truc. Je ne sais pas s'il est sur... et donc, il y a un film super bien sur la géode, avec en VO, la voix de DiCaprio qui décrit... Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc en 3D, en fait, ils ont donc plein d'images d'une mission et plein d'images aussi des images Hubble qu'ils ont 3D-isées, c'est-à-dire que tu prends chacun des points de l'image, tu évalues une distance et comme ça te permet de te balader en 3D dans l'image et le film est vraiment magnifique en 3D. C'est vraiment la meilleure réussite de la 3D que j'ai jamais vue. Et à la géode, mais c'est incroyable, quoi. T'as ce Hubble énorme avec la Terre derrière, enfin c'est waouh. Je sais pas s'il est sur YouTube. Ce soir, c'est une émission sérieuse. Je joue le dictateur, je veux que le son soit bon. Il y a tout le conducteur qui est plein, c'est pas possible. Ah si, c'est parce qu'il y a Alan. Ouais. Il y en a qui préparent leurs interventions. En fait, c'est vrai qu'on oublie l'époque d'Alan, quoi. Mais... Ouais.